freestyle. Yeah. Où électrique conteste là? Ouais. Backy backy top lifestyle, où ni feeling Rihanna. Ouais. Bad girl like banana. Ouais. Manque faire voyager Panama. Hey. Girl them sickle. Girl them sickle. Mm-hmm. Girl them sickle. Wow. Clap it, boom boom, cafe rum, pom pom. Girl them sickle down. Girl them sickle down. Girl them sickle down. Clap it, boom boom, cafe rum, pom pom. Madinina come from, we Caribbean gum, bandicocky.com. Maybe yeah. Yanni come down, I get la bonne tonne. Ambiance vagabond, basta cafe gang bang. Girl connaît sa sale, et puis les filles, y'en qui goumote, chaud, la panikia. Bouteille en l'état, les kake combien lias. Là c'est face à face, pas ni face à face. Oh, wow. Girl them sickle. Girl them sickle. Girl them sickle. Clap it, boom boom, cafe rum pom pom. Girl them sickle down. Girl them sickle down. Girl them sickle down. Clap it, boom boom, cafe rum pom pom. Dico, qui, baby ou toxique, man akou konko. Qui, nous savons coquin, man savons très co. Qui, non même tes cousines et ta voisine. Elle vous goûte au fruit de la passion. Elle tremble à chaque accélération. Bouger les hanches, chez nous c'est la tradition. Elle a ni bon pression et bien sûr nous apprécions. Des girl them sickle. Girl them sickle. Girl them sickle. Clap it, boom boom, cafe rum pom pom. Girl them sickle down. Girl them sickle down. Girl them sickle down. Clap it, boom boom, cafe rum pom pom. Madinina come from, we Caribbean dumb. Bandicocky.com, maybe Yanni come down. I grade la bonne tonne. Ambiance vagabond, basta cafe gang bang. Girl connaît sa sale, et puis les filles. Y'en qui goumote, chaud, la panikia. Bouteille en l'état, les kake combien lias. Là c'est face à face, pas ni face à face. Oh, wow. Girl them sickle. Girl them sickle. Girl them sickle. Oh, wow. Clap it, boom boom, cafe rum pom pom. Girl them sickle down. Girl them sickle down. Girl them sickle down. Clap it, boom boom, cafe rum pom pom. T'es jip, t'es